Bonsoir, bienvenue à la soirée de Jean-Claude et Geneviève. Pour fêter leurs 30 ans de mariage, c'est ce soir qu'on fait la fête. N'oubliez pas qu'il y a un buffet gratuit à disposition avec rouget au vin et martini au pâté. Et pour animer cette superbe soirée, c'est votre serviteur, DJ Jean-Paul Boudard.